إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اليوم on va rentrer dans الإيمان بالرسل. On a pris الإيمان بالله، la foi en Allah، بملائكته، en ses anges، بكتبه، ses livres. والآن الإيمان بالرسل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث بإبلاغ الشيء. يعني الرسل c'est le pluriel de رسول qui veut dire envoyé. D'accord؟ Pour envoyé pour transmettre quelque chose. والمراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع أو أمر بتبليغه. وأول رسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc là le sens du messager est celui auquel il a été révélé, la révélation lui a été accordée parmi les hommes et qui a été ordonné de la retransmettre. D'accord ? La législation lui a été révélée et lui a été ordonné de la transmettre. Et c'est un homme, un être humain. Le premier d'entre eux c'est Nuh alayhi salam et le dernier d'entre eux c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده. Certes, nous avons révélé à toi le livre comme nous l'avons révélé à Nuh et au prophète d'après lui. Ça c'est le dalil du Coran. Il n'est pas sarih. Maintenant, plus clair que ça, le hadith qui va suivre maintenant. في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيختذر إليهم ويقول إتوا نوحا أول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث. Dans l'authentique de Bukhari, selon Anas bin Malik, رضي الله عنه, dans le hadith de l'intercession, الشفاعة, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque les gens viendront à Adam pour qu'il intercède pour leur faveur, il s'excusera auprès d'eux et il leur dira: allez voir Nuh qui est le premier messager que Allah a envoyé. Puis il cita le reste du hadith. Et dans une autre version: ya Nuh anta awwal rasul ila ahli al-ard. Ô Nuh, tu es le premier des messagers aux gens de la terre. Adam n'était pas un messager, c'était un prophète. Adam était un prophète. Le premier messager, c'est Nuh. Wa qala Allah ta'ala fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Donc dans le sens là il dit que Muhammad n'était pas le père de l'un de vos hommes, mais plutôt le messager d'Allah et le dernier des messagers, des prophètes. ولم يخلو أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة لقومه أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله يجددها. نعم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc il n'y a pas une communauté sans qu'un messager ne lui fût envoyé avec une législation à part pour son peuple. Chaque messager est envoyé à un peuple. Ou alors un prophète à qui également a été révélée la législation de celui qui était avant lui pour qu'il la revivifie. Alors dans le sens, il dit: nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour dire adorez Allah et éloignez-vous de ta route. Donc là il fait justement le tambih, la différence qu'il y a entre le messager et le prophète qu'on avait cité. Le messager, la base tirée des preuves des histoires des messagers, c'est qu'il a envoyé un peuple mécréant qui dément. À la base, il a un livre, mais c'est pas obligatoire, comme Youssouf par exemple, il n'a pas eu de livre, mais avec un livre et une législation pour ce peuple. Et le prophète, lui, est chargé de revivifier la législation du messager qui l'a précédé, de rappeler à un peuple ce qu'ils ont oublié. Mais il n'apporte rien de nouveau. Alors que le messager, lui, peut amener à des choses nouvelles, des nouvelles lois, et abroger des anciennes. Et le messager, parmi ses particularités, c'est qu'il peut venir avec un livre. Le prophète, non. Ah là, c'est la différence entre les deux. وقال الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إن يا pas de communauté sans qu'on ait reçu un messager ou un avertisseur. قال الله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. Donc certes, nous avons fait descendre la Torah contenant une guidée et une lumière par laquelle jugent les prophètes qui sont soumis à ceux à الذين هادوا, c'est ceux qui sont judaïsés, on dira, mais à la base, c'était surtout les Bani Israël. يعني في هذا المعنى. وقال بعد هذا والرسل بشر مخلوق ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. Eux, comme les anges. La différence, c'est que les messagers sont des hommes, des êtres humains, qui n'ont aucune part et aucune particularité de Rububiya, de seigneurie, ni de divinité. Donc on n'a pas à les adorer. D'accord ? Ils n'ont aucune part dans la création, dans le contrôle de la création. قال الله تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Donc Allah dit à propos de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur de tous les messagers et leur chef, celui qui a le rang le plus haut. D'accord ? Il dit, dans le sens, dit, c'est-à-dire toi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne possède pour moi ni bien ni mal, hormis ce que Allah aura voulu. Et si jamais je connaissais l'invisible, j'aurais profité du bien et je n'aurais pas été touché d'un mal. Je ne suis juste qu'un avertisseur et un annonciateur pour un peuple qui croit. Le verset là, il est wadih, que bon, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même le dit de lui-même, qu'il ne possède aucune part du bien ou du mal, il ne peut rien faire, à part ce que Allah lui a accordé. Et ce qu'il connaît des choses de l'invisible, c'est des choses que Allah lui a révélées. Sans quoi, comme il le dit, le mal ne m'aurait pas atteint. Celui qui connaît l'invisible, ou le futur, il évite le mal qui va lui arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était grandement éprouvé. Donc il dit qu'il n'est qu'un annonciateur et un avertisseur pour un peuple qui croit, qui croit en son message, lorsqu'il va venir, qu'il l'écoute. قال الله تعالى قل إني لا أملك لكم دارا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Il dit je ne possède pour vous ni bien ni mal. C'est pas plutôt bien, c'est plutôt la guider, yani guider tawfiq, c'est que seul Allah peut accorder. Dit personne ne pourra me protéger d'Allah, je ne trouverai en dehors de lui aucun secoureur. هذا وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى والذي ويطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Donc également ces messagers, ils regroupent les particularités des humains. Ce qui arrive aux humains leur arrive aussi. Comme maladie, comme la mort, comme le besoin de nourriture ou de boisson et autre que cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos d'Ibrahim, alayhi salatu wasalam, à propos de son Seigneur, qu'est-ce qu'il dit ? Il est celui qui me nourrit et qui m'abreuve. Et celui qui me guérit lorsque je tombe malade. Et celui qui me fera vivre, plutôt qui me fera mourir, puis me fera vivre. Donc là, il précise bien qu'il n'a aucune part là-dedans. Est-ce qui est valable pour Ibrahim est valable pour tous les messagers alayhi salam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam innama ana basharun mithlukum ansa kama tansawun fa idha nasitu fadhakkiruni. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je suis un être humain comme vous, j'oublie comme vous oubliez, et si jamais j'oublie alors rappelez-moi. Mais attention, at-tanbih par rapport à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la retransmission de la révélation il est infaillible. D'accord ? Dans la retransmission de la révélation, il est infaillible. Toutes ces choses-là ne l'atteignent pas. Lorsqu'il faut révéler ce que Allah lui a donné, lui a accordé, il n'est pas atteint par cela. Il ne faut pas que les gens disent, donc peut-être dans la révélation, il était malade, il oublie, il se trompait. Ce n'est pas possible. Quand une chose lui est révélée, lorsqu'il la retransmet, il ne se trompe pas, ni lui, ni les autres. Et on parle bien, parce qu'il a été révélé. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut amener à faire un ijtihad. Et si jamais il arrive que son ijtihad ne soit pas correct, Allah le rectifie aussitôt après. Comme ce fut le cas pour l'aveugle Ibn Kalthoum, lorsqu'il est venu, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait parler avec le notable de Quraysh. Il l'a mis à part pour parler avec eux. Allah l'a corrigé en disant que cet homme-là, il est venu pour un bien et il ne sait pas ce qu'il veut. Surat Abasa, celle qui a suscité bien des histoires pour rien. Non. وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم قال تعالى في نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا. Et que Allah SWT les a décrits comme étant le plus haut du niveau de servitude, c'est-à-dire les messagers, c'est également les serviteurs d'Allah SWT, mais les plus hauts. Et il dit à propos de Nuh, en lisant son éloge, il était certes un serviteur reconnaissant, très reconnaissant. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, tabaraka alladhi nazzala al-furqan ala 'abdi liyakuna lil'alamin nadhira. طيب tabaraka, celui qui a fait descendre le Furqan. Le Furqan, c'est l'un des noms du Coran. Furqan, c'est l'un des noms du Coran. Sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلى الله عليه وسلم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. Donc Allah سبحانه وتعالى dit à propos d'Ibrahim, d'Ishaq, de Yaqub عليهم السلام, qu'il a dit justement qu'ils étaient parmi justement ses serviteurs choisi, élevé, purifié parmi les meilleurs. Comme encore fait le Bidaya, Uzkur Ibadana, rappelle ou parle de nos serviteurs, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Il a bien dit Ibadana. Donc les messagers sont les serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, kazalik, mais les plus hauts. Et leur servitude est la plus complète. Et la parfaite. ثم قال والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور. La foi au messager regroupe quatre choses. الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع كما قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. Donc la foi, le premier point, c'est que on doit avoir la foi que leur message est la vérité provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui mécroit au message d'un seul aura mécru en tous. Comme Allah dans le sens il dit que le peuple de Nour ont démenti les messagers. Donc les poussées après. Regarde bien. Il dit les messagers. Combien de messagers sont venus au peuple de Nour? Un seul. Il est le premier. Mais il a dit les messagers. Pourquoi? Car en démentant Nour, ils ont démenti tous les autres qui venaient après. Donc ils ont démenti Nuh et tous les messagers. Pareillement les chrétiens. Ils ont démenti Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car ils ne l'ont pas suivi. Donc en démentant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont démenti Isa, Jésus alayhi wa sallam. Et pareillement pour les juifs qui disent suivre Moussa, Moïse alayhi wa sallam. En réalité, ils l'ont démenti. Pourquoi? Car ils n'ont pas suivi par la suite Isa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont mécréants. Ils ne comprennent pas. En démentant le dernier messager, vous avez démenti tous les autres, même celui qui vous a été envoyé et que vous prétendez suivre. Et tous ces messagers-là ont annoncé le messager qui viendra d'après eux. Ils l'ont tous fait. Asani. الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل. Donc évidemment on doit croire en ceux qui ont été nommés ou pas. On croit en tous. Parmi ceux qui ont été nommés, il y a Mohammed, il y a Ibrahim, il y a Moussa, il y a Isa, il y a Nuh عليهم الصلاة والسلام. Et ces cinq là sont أولو العزم qu'on appelle les plus dotés de détermination. Donc de fermeté. Les plus dotés de fermeté. Et Allah, dans le Coran, les a cités deux fois, les cinq ensemble. Dans Surat al-Ahzab, قال وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Nous avons pris justement des prophètes leur engagement de toi, c'est-à-dire Mohammed, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa, de Isa, fils de Maryam. Et dans Surat al-Shura, la consultation, قال تعالى شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Il dit qu'il vous a légiféré en religion ce qu'il a révélé, ou ce qu'il a exhorté à Nuh, et ce qu'il t'a révélé à toi. Et ce que nous avons également révélé et exhorté Ibrahim et Moussa et Issa, d'appliquer la religion, d'instaurer la religion, et ne vous divisez pas dedans. Pour la religion. Quant à ceux dont on ne connaît pas le nom, parmi les messagers qui étaient très nombreux, on croit en eux de façon générale. Par Allah Ta'ala, wa laqad arsalna rusulan min qablik, minhum man qassasna alayk wa minhum lam naqsus alayk. Donc on s'est envoyé des messagers avant toi, parmi eux ceux dont tu as cité l'histoire et d'autres dont tu n'as pas cité. Donc tous les messagers n'ont pas été cités. Allah nous a cité ce dont on a besoin de savoir, l'histoire. Hada. Al-Thalith, tasdiq ma sahha anhum min akhbarihim. Le fait de croire les informations qu'ils nous ont apportées et qui ont été, attention, authentifiées. D'accord, ce qui était authentifié au propos de leurs histoires et de leurs faits. Car beaucoup de choses ont été inventées. Et beaucoup de choses ont été déformées, falsifiées. Donc, bifadlillah, nous, en islam, on a des ulama, les muhaddithoun, les gens du hadith qui sont là pour vérifier les chaînes de narration et pour authentifier ou affaiblir ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ahadith. Et ça, c'est parmi les particularités de cette communauté, l'isnad, les chaînes de narration. Ce qu'on ne trouve pas chez les autres religions. وقال أرابيع quatrième point العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الرسل طيب المرسل لجميع الناس قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ensuite, le quatrième point, qu'on doit œuvrer par la législation de celui qui nous a été envoyé parmi eux et qui est leur dernier, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est envoyé à tous les hommes. On a expliqué que chaque messager à la base est envoyé à un peuple. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé à tous les hommes et à tous les djinns. Alors dans le sens qu'il dit, non par ton Seigneur ils ne croiront pas tant qu'ils ne croiront pas, c'est-à-dire en toi, et qu'ils ne te feront pas juger dans leur litige, et ensuite qu'ils ne trouveront aucune gêne ton jugement et qu'ils se soumettront totalement. Avant. Donc on doit se soumettre à la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même Isa alayhi sallam, Isa alayhi sallam, qui n'est pas mort. Jésus, qui dit qu'il a été crucifié, n'est pas mort. Il est aux cieux. Il est parmi les signes de l'heure, les signes majeurs de l'heure. Il va descendre, d'accord, juger en fonction des lois de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va venir, il va casser la croix, il va tuer le porc, il va imposer la jizya, l'impôt légal à ceux qui ne sont pas parmi les gens de l'islam, et il va diriger avec les lois de la charia islamiyya, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. « Walil imani bi rusul samarat jalilatun minha » Donc parmi la foi aux messagers, plusieurs fruits, plusieurs bénéfices. Parmi eux, الأولى العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ويبينوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. Premier point, premier fruit qu'apporte la foi au messager, cela nous amène à reconnaître la miséricorde d'Allah et son soin envers ses serviteurs, du fait qu'il envoie des messagers afin de les guider vers son chemin, pour leur éclaircir comment ils doivent adorer Allah, car la raison humaine ne peut le concevoir d'elle-même. Il y a besoin d'une révélation. Aujourd'hui, tu vois des gens, ils disent, moi je crois en créateur, je ne crois pas aux religions, donc j'adore Allah comme je veux. On dit, non, tu ne pourras pas. Ce que tu feras sera vain et refusé. Tu vas trouver que de la fatigue. Tu crois au créateur, sache que ce créateur, dans sa miséricorde, t'envoie des messagers pour te dire comment l'adorer, qu'est-ce qu'il veut de toi. Donc, si vraiment tu es sincère, prends ce messager. Si tu ne le sais pas, cherche, enquête, demande à Allah qui te guide et tu trouveras Biznillah Ta'ala. Si, dans ton cœur, il sait qu'il y a un bien. Al-Thaniya, deuxième. Shukruhu Ta'ala ala adid ni'ma al-kubra. Qu'il faut remercier Allah à ce bienfait majeur, ce bienfait immense, qui l'a envoyé les messagers. Al-Thalitha, mahabbat al-Rusul alayhim salatu wa salam, wa ta'zimuhum, wa thana alayhim bima yaliku bihim, liannahum Rasulullah Ta'ala. وليأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. Donc cela inclut également qu'on doit aimer ce messager et qu'on doit les glorifier. On dit glorifier, on doit avoir un respect immense pour eux et faire leur éloge comme cela leur revient. Sans exagérer, d'accord, on fait leur éloge sans exagérer et sans le dénigrer également, car ces gens sont venus envoyés par Allah pour nous retransmettre son message et pour nous conseiller. وقال وقد كذب المعاندون رسلهم زاعمين ان رسول الله تعالى لا يكونون من البشر. Donc des gens parmi les obstinés et entêtés ont démenti que Allah ait envoyé des messagers car ils étaient des humains. Pour eux, c'est pas possible. وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وابطله بقوله وما منع الناس يؤمنوا اذا جاءهم الهدى الا ان قالوا عبث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté justement leur prétention en disant dans le sens, et qu'est-ce qui empêchait des gens de croire lorsque la guidée leur est venue, si ce n'est en disant que Allah a envoyé un messager parmi les hommes. Le fait que ce soit un homme, ils l'ont refusé. Dit, si jamais la terre était remplie d'anges qui marchaient en toute tranquillité, Allah aurait fait descendre sur eux des cieux un ange messager. Donc Allah l'a réfuté leur parole. Pourquoi? Car si jamais Allah avait envoyé un ange comme messager pour les hommes, il nous aurait dit, mais il ne sait pas ce qu'on ressent. Il ne sait pas qui on est. Donc Allah, pour mettre l'argument, il a envoyé un homme pour les hommes. Car il est comme vous, il parle comme vous, il mange comme vous, il sait ce que vous ressentez, il se reproduit comme vous. Donc il est plus à même de savoir ce que vous ressentez pour être plus compatissant envers vous. Donc justement le message aura plus de force. Et également, les messagers qui ont été envoyés ont été envoyés à qui? À leur peuple. Il ne faut pas qu'ils disent d'où il vient, lui on ne le connaît pas. Et vous le connaissez très bien, vous savez d'où il est, sa descendance, qui est son père, qui est sa mère, ses vertus. Comme c'est le cas pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même Quraysh ont reconnu que Mohammed était connu pour, il était de confiance, il n'était pas un menteur, mais de bon comportement, et cela avant le message. Donc quand il est venu, il ne pourrait pas dire, toi ton peuple est un menteur. Ils ne peuvent pas. Donc il envoie un messager à chaque peuple, et qui plus est, qu'ils connaissent, un homme qu'ils connaissent. Donc si jamais la terre avait été peuplée d'anges, Allah subhanahu wa ta'ala aurait envoyé comme messager un ange pour eux. Donc Allah ta'ala, إن أنتم لبشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن لبشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. Donc il dit également à propos de ces gens qui ont refusé les messagers sous prétexte qu'ils étaient des humains. Alors dans le sens il dit que ces gens-là ont dit, vous n'êtes que des hommes, comme nous. Vous voulez nous refouler de ce que adoraient nos pères. Donc apportez-nous donc une preuve évidente, c'est-à-dire un miracle. Les messagers ont répondu, nous sommes des êtres humains comme vous. Certes, cependant Allah gratifie qui il veut parmi ses messagers ou parmi ses serviteurs. Et il ne nous revient pas de vous apporter un signe, c'est-à-dire un miracle, que avec la permission d'Allah. Et ça on trouve même aujourd'hui, quand tu conseilles aux gens, pour toi c'est comme moi, t'es un être humain, t'as pas plus que moi. On dit, comme ce verset le dit, Allah m'a gratifié par le fait de connaître ta guidée. Donc je te l'apporte. D'accord ? Je te l'apporte. Donc là c'était justement le pilier qui est lié à la foi au prophète et au messager. Et le Khurasan, on doit croire en tous, en leur message. Et que le dernier c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui en démont un seul, ils auront tous démenti. Car on a dit ça c'est un pilier de la foi. Naam. Fa ilahuna, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.